On verra bien si je t'aime, on verra bien si tu m'aimes, on verra bien si les bohèmes laissent des cailloux, on verra bien si je t'en laisse, on verra bien si tu m'en laisses aussi, on verra bien si l'aurore se couche tôt, on verra bien à midi, si le rencard tient encore jusqu'à minuit ou bien pas d'heure, à la lueur d'un lampadaire, peut-être bien qu'on se pavanera joyeusement. Mais dans la main, je suis désolé, je ne suis pas un amoureux ou amoureux des autres. Pourvu que ce soit gratuit, on verra bien si l'amour encore des sentiments, on verra bien si l'amour encore des sentiments, on verra bien si au matin on est là, on verra bien si au réveil, on verra bien si on est là, on verra bien si encore amoureux je le suis, on verra bien si toi t'es encore amoureuse de moi, on verra bien, on verra bien. Mon avis, c'est ma vie, c'est la tienne aussi. Alors faisons le tapis devant le divan dans le jacuzzi. Sur la table, j'en veux aussi, mais je parle évidemment d'une partie de je t'aime, mais moi non plus. On verra bien si demain notre pari tient encore à midi. On verra bien si, comme les autres amoureux, on se dira de jolis mots, qu'on se donnera nos numéros. Mais madame, ton numéro n'était pas le bon. Retour à tour, la dernière fois c'était toi, aujourd'hui c'est moi, aujourd'hui c'est moi. Alors prenons le pari que la prochaine fois qu'on le soit ensemble.